Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Voici les grands titres de cette édition. Célébration ce lundi en commune Gihanga de la province Wubanza du début de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le parti Kodebu demande aux autorités du pays de promouvoir les libertés politiques dans le pays. C'était au cours d'une assemblée de ce dimanche. Des familles de la commune Rumonge demandent à cette commune de réhabiliter les points critiques dans le canal de la localité afin de protéger les infrastructures. La commune n'a pas de moyens financiers, répond l'administrateur Volant André dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayo. Bienvenue encore une fois. Une femme sur trois a été victime de violences physiques ou séquelles au cours de sa vie au niveau mondial et cinq femmes ou filles sont tuées chaque heure par un membre de leur famille. Ceci a été dit ce lundi par un envoyé de l'ONU à Gihanga dans la province de Wubanza. C'était lors des cérémonies marquant le lancement officiel des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Un reportage signé Spes Caritas Kabanyana. Le lancement officiel pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été célébré sur le thème « Vers les 30 ans de la déclaration et du plan d'action de Beijing, unissons-nous pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles ». Imelda Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale, a précisé dans son discours que la date du 25 novembre de chaque année a été fixée comme mémoire des femmes et filles victimes de violences basées sur le genre et qui ne parviennent donc pas à s'épanouir pour un développement économique individuel et même familial. Et cette campagne qui a débuté ce lundi prendra fin le 10 décembre, date correspondante à la Journée internationale des droits de l'homme, selon la ministre de la Solidarité nationale. La coordinatrice dans le système des Nations Unies a, quant à elle, donné quelques chiffres des violences basées sur le genre au niveau mondial. Je voudrais partager avec vous un rappel historique et une réalité alarmante. Malgré des avancées significatives, les violences basées sur le genre persistent et demeurent un fléau mondial. Par exemple, une femme sur trois dans le monde a été victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Chaque heure, cinq femmes ou filles sont tuées par un membre de leur propre famille. Les hommes et les garçons ne sont pas épargnés, notamment dans le contexte de conflits ou de discrimination. Elle a ajouté que le système des Nations Unies et ses partenaires travaillent activement pour la promotion des valeurs d'égalité. En appui aux efforts du gouvernement de Burundi, le système des Nations Unies et ses partenaires travaillent activement pour promouvoir des valeurs d'égalité de l'enfance à travers la sensibilisation et l'éducation afin de briser le cycle de violence, pour renforcer le cadre législatif et leur application en assurant des sanctions appropriées pour les auteurs et une protection efficace des victimes. Investir dans des services de soutien aux victimes, y compris la prise en charge psychologique, juridique et sanitaire, et pour mobiliser les familles et les communautés en favorisant une culture de respect mutuel et de tolérance zéro envers les violences. Après avoir donné des conseils à la population en général et aux autorités en particulier, Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, a procédé à la distribution des primes d'encouragement à 10 personnes venues des différentes provinces pour avoir lutté contre les violences basées sur le genre plus que les autres. Spes Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Et bien, dans cette édition, on revient sur le rapport de l'ONU Femmes de 2023, selon lequel toutes les 10 minutes, une femme a été tuée par son compagnon ou un membre de sa famille. Le point avec Lydie Gahimbar. Selon ce rapport, la campagne de 16 jours d'activisme a été instrumentale dans l'utilisation du cadre des droits de l'homme pour attirer l'attention du monde entier sur le problème universel de la violence faite aux femmes. Selon le rapport de l'ONU Femmes de 2023, toutes les 10 minutes, une femme a été tuée par son compagnon ou un membre de sa famille. Les années initiales de la campagne étaient 1991. Vers 1992, les militantes de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles ont lancé une pétition à l'échelle mondiale invitant les Nations Unies à inscrire la problématique des droits fondamentaux des femmes sur l'ordre du jour dans la conférence mondiale qui s'est tenue à Vienne en Autriche, c'était en juin 1993. Selon toujours ce rapport, à la date de la conférence, la pétition a recueilli un demi-million de signatures en 23 langues, dont 124 pays. La pétition a permis la rédaction d'une déclaration formelle sur les droits de la femme en tant que partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine et de la violence à l'égard des femmes en tant que la violation des droits de l'homme dans la déclaration de Vienne. En 1999, la campagne de ce jour d'activisme a contribué au succès des efforts visant à encourager les Nations Unies à proclamer le 25 novembre de chaque année comme journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec cette édition page politique. Le parti Kodebou, Iragi Gendadaye, compte participer dans toutes les échéances électorales de 2025, étant seul ou en étant dans une coalition des partis politiques. Ceci est l'une des décisions prises lors d'une assemblée générale extraordinaire de ce parti tenue dimanche à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Kefani Wizi, président de ce parti, ajoute qu'au cours de cette assemblée, les participants ont constaté qu'il y a des manœuvres en cours d'empêcher certains à se faire élire et demande aux autorités concernées de promouvoir les libertés politiques. Suivez. On a analysé beaucoup de points, dont la stratégie électorale de 2025. Dans cette analyse stratégique, le parti Kodebou a d'abord décidé qu'il participera dans tous les scrutins, notamment législatives, ainsi que les élections communales de 2025. On a également constaté qu'il y a un besoin urgent de faire une observation électorale et minutieuse. C'est pour cette raison qu'on a décidé qu'on va mettre en place une commission chargée de suivre le déroulement des élections depuis le bureau de vote jusqu'à au niveau national, a-t-elle enseigné qu'on pourrait recueillir tous les résultats de chaque commune, de chaque province, ainsi que les résultats nationaux pour les confronter avec ceux qui seront communiqués par la CENI. Nous avons également constaté qu'il y a plusieurs défis dans le domaine socio-économique qui rentrent la population et dont les affrontés demandent une synergie forte. C'est pour cette raison que le parti Kodebou a décidé qu'il pourrait partir ensemble avec toutes les forces politiques et qu'il souhaite un changement positif dans notre pays. Mais aussi, nous avons interpellé les différentes institutions de la République du Burundi de ne pas mettre des pièges qui pourraient empêcher l'un ou l'autre de se faire élire ou d'élire librement. Nous avons également invité la population et particulièrement les membres de notre formation politique de participer massivement aux scrutins organisés au mois de juin et aussi mettre beaucoup d'accent sur l'observation électorale. Kefa Niwizi, président du parti Kodebou, Iragi Gendadaye, est sur une cinquantaine de familles affectées par le débordement des eaux du canal d'écoulement d'Imugerangabo suite aux récentes pluies tombées dans la ville de Rumonge. Il demande à la commune Rumonge de réhabiliter les points critiques de ce canal afin de protéger leurs infrastructures. C'est après que ce canal ait été détruit en plusieurs endroits, affectant même les maisons d'habitation. L'administrateur communal de Rumonge dit que cette commune n'a pas assez de moyens financiers pour réhabiliter tous les points critiques, mais qu'elle va dans les meilleurs délais stabiliser le pont de la RN3 sur ce canal. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. depuis l'amont du canal d'écoulement Mugerangabo, sise dans les quartiers Guiwanya et Mugomere jusqu'à son déversement dans le lac Tanganyika. Les rives de ce canal d'écoulement des eaux pluviales ont été détruites en plusieurs endroits, même les rives construites en pierre. Plusieurs maisons d'à côté ont été complètement ou partiellement détruites, d'autres inondées, et un atelier de menuiserie d'à côté inondé, le pont sur ce canal ayant été débordé. Ceux qui ont des moyens financiers se pressent pour reconstruire les infrastructures affectées ou stabiliser celles menacées. D'autres demandent à la commune Rumonge d'intervenir pour les mettre à l'abri de nouvelles menaces à chaque tombée de la pluie. Selon Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, cette commune manque des moyens financiers pour réhabiliter tous les points critiques, mais se limitera à la réhabilitation de la partie de ce canal située près du pont Mugerangabo sur la route nationale numéro 3 côté atelier de menuiserie pour stabiliser ce pont. Mais les habitants de Rumonge doivent aménager des puisards afin de limiter les dégâts de la Mugerangabo, selon l'administrateur communal de Rumonge. De son côté, Obed Nineshwa, responsable de l'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumonge, conseille la plantation des bambous le long de ce canal pour stabiliser ses rives et éviter de construire des infrastructures sur ses rives qui s'écroulent en même temps que la destruction de ses rives. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. De Rumonge, rendons-nous un peu plus au nord du Burundi, en province Kayanza, pour parler commerce, où le prix d'un kilogramme de la farine de maïs a sensiblement augmenté ces deux derniers mois. Au marché de cette province, passant de 2000 à 3000 francs burundais durant la même période, le prix d'un kilogramme des graines de maïs a également augmenté entre 800 et 1000 francs burundais. Les acheteurs, tout comme les vendeurs de ces produits, trouvent que la vente par le gouvernement burundais de la récolte du maïs collecté par la NAGESA ces derniers jours serait l'un des moyens de revoir à la baisse le prix d'un kilogramme de graines de maïs ainsi que celui de la farine de ce produit, nous rapporte Patrick. Les habitants de la commune et province Kayanza qui s'approvisionnent en produits vivriers au marché de Kayanza disent que le prix d'un kilogramme de la farine et du maïs a beaucoup augmenté par rapport à cette même période des années antérieures. Ils disent qu'aujourd'hui au marché de Kayanza, le prix d'un kilogramme de la farine et du maïs varie entre 2800 francs et 3000 au moment où le prix des grains du maïs coûte entre 2400 et 2500 donos francs le kilo. Même les vendeurs des grains du maïs et la farine de ce produit au marché de Kayanza affirme que ces produits coûtent cher. Ces vendeurs au marché de Kayanza indiquent qu'ils s'approvisionnent en ces produits à un prix aussi cher. Et les acheteurs de la farine et du maïs au marché de Kayanza, de même que les vendeurs de ce produit, tous demandent au gouvernement burundais d'écouler sur le marché la production du maïs qu'il a acheté aux agriculteurs via la NAGESA à un prix abordable aussi, ajoutait-il. Signalons que c'était produit du maïs collecté par l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire à NAGESA en sigle a été acheté à un prix de 1700 francs le kilo. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci en province Kirundo. Plus de 300 ruches modernes pour l'apiculture ont été octroyées aux jeunes réunis en coopérative dans cette province de Kirundo, dans l'objectif de l'autodéveloppement en don de la communauté musulmane de cette province, sur appui de leur confrère américain Issa Ndagijimana, chef de cette communauté, a fait savoir que, en plus de cela, 300 personnes viennent de bénéficier des soins du paiement des factures médicales. Le gouverneur de cette province a demandé la vulgarisation du projet dont toute la province est dirigée, une usine de traitement du miel pour le commercialiser ailleurs, nous rapporte Abraham Safari. Ce don constitué par 300 ruches modernes et leurs accessoires destinés à l'élevage des abeilles a été donné par la communauté musulmane de Kirundo sous l'appui de leurs confrères américains du nom de Talal. Issa Ndagijimana, responsable de cette communauté à Kirundo, a fait savoir que ce don est donné sans distinction d'appartenance religieuse, car tous sont des enfants du Burundi, a-t-il dit. Isanagijimana a signalé ensuite qu'ils viennent de faire soigner les patients vulnérables et payer les factures médicales pour plus de 300 personnes. Ce chef de la communauté musulmane nous a fait savoir ensuite que 170 toles ont été octroyées aux vulnérables, ainsi que la distribution de 200 roues et les semences. Des jeunes sont en train d'être formés en mécanique pour Sindakjimana et bientôt l'auto-école pour que les lauréats puissent sortir avec des permis de conduire. Tout cela est pour initier les gens à manger le poisson après l'avoir pêché et c'est aussi l'accompagnement de la vision du gouvernement 2040-2060 comme nous a dit Isanagijimana. Le gouverneur de Kinundo, colonel de police Victor Segasago, a remercié la communauté musulmane en général et son bienfaiteur américain en particulier pour le don octroyé aux jeunes. Il a signalé qu'il est satisfait des réalisations de la communauté musulmane à Kinundo qui travaille sans distinction d'appartenance religieuse et a demandé la vulgarisation de l'apiculture dans toute la province. Le gouverneur Segasago souhaite qu'il y ait la construction d'une usine de traitement du miel pour le commercialiser ailleurs à l'étranger. Il a clôturé son discours en rappelant à la communauté musulmane de planifier les naissances car, a-t-il dit, on ne peut pas se développer alors que des enfants naissent à destination de la rue. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Albert Ndouaïo qui l'a mis en onde. De très bonne suite de nos programmes. Merci. Mireille Kanyangi.